les failles de la société québécoise. Donc, c'est le sujet qui va être abordé dans les prochaines minutes, parce que ça peut être intéressant d'étudier les failles de la société dans laquelle on se trouve. Pas juste les avantages, souvent les médias ou les politiciens vont chercher à faire la promotion des forces d'un pays, d'un peuple, pour des raisons de nationalisme et de rayonnement à l'international d'une culture donnée, puis d'attirer des immigrants un peu partout, mais il y a toujours des failles, et ça peut être intéressant, dans un esprit critique, de les aborder par rapport à la société dans laquelle on se trouve, et étant donné que je me trouve au Québec, je vais aborder les failles de la société québécoise que j'étudie depuis mon enfance. Et les gens qui m'écoutent, peu importe l'endroit où vous êtes, en France, en Belgique, vous pouvez étudier aussi les failles de la société dans laquelle vous vous trouvez. Puis aussi, en même temps, ben, s'il y a des gens qui m'écoutent qui aimeraient immigrer au Québec, donc de venir vivre ici, ben, c'est important que je sois conscient aussi des failles, parce que souvent, pour attirer des gens à l'étranger, eh bien, il va y avoir des gens du ministère de l'Immigration qui vont chercher à faire la promotion d'un pays pour faire du recrutement de gens un peu partout dans le monde en présentant les avantages et non pas les inconvénients qui se rapportent à une situation donnée. Ce qui peut créer par la suite de la frustration auprès de gens, entre autres, issus de l'immigration par rapport à entre le rêve qu'on leur fait miroiter puis qu'est-ce qu'ils vivent. Des fois, ça peut être deux choses d'une manière totalement différente. Et c'est sûr que je me dissocie totalement du ministère de l'Immigration, toute forme de propagande qui cherche à idéaliser le peuple québécois, parce que je trouve que c'est essentiellement malsain. Et pour ce qui est des gens qui s'intéressent à la conscience supramentale, naturellement, la conscience supramentale en termes de vécu, d'être fusionné, comme le disait Bernard de Montréal, ça part du Québec pour aller ensuite vers l'international. Mais le point que je veux faire par rapport à ça, c'est que des gens qui peuvent écouter des conférenciers québécois parler de conscience vibratoire, puis là, s'imaginer que s'ils viennent au Québec, les gens ont toute une conscience vibratoire et que ces conférenciers sont représentatifs de l'ensemble de la population alors qu'il n'en est rien. L'individu qui veut parler de conscience vibratoire sur la rue ne sera pas nécessairement bien vu, bien accueilli, ainsi de suite. Donc, faut faire attention de ne pas idéaliser. Sinon, le Québec a été idéalisé par certaines personnes au niveau de l'immigration, ce qui amène les gens à être déçus par la suite lorsqu'ils arrivent ici à être confrontés à certaines réalités. Au fil du temps, ben, j'ai eu des discussions avec des gens issus de l'immigration. À un moment donné, j'avais discuté avec quelqu'un qui était ingénieur dans un autre pays. Il arrive ici au Québec et naturellement, il me racontait que l'ordre des ingénieurs par rapport à la spécialisation dans laquelle il se trouve lui demandait carrément de refaire tous les cours qu'il avait déjà fait. Donc, à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de reconnaissance. Donc, c'est sûr, si quelqu'un vient ici, ben, il faut qu'il s'assure au préalable que, par rapport à la nature de sa profession, il soit reconnu. Parce qu'en ça, la personne prend une formation universitaire spécialisée, puis finalement, se ramasser chauffeur de taxi ou cueilleur de fruits ou de faire quelque chose que, finalement, il n'y a pas besoin de qualification spécifique pour faire ça. Et sinon, ben, à un moment donné, j'ai discuté avec une personne issue de l'immigration. Elle arrive ici, mais elle n'a pas accès au service de garde. D'ailleurs, les gens sont confrontés ici à une problématique dans le sens que les CPE, les centres de la petite enfance, avec des garderies subventionnées par le gouvernement à prix abordable, il n'y en a pas assez pour répondre aux besoins de la population. Ce que ça fait, ben, c'est que ça crée de la frustration. Donc, quelqu'un qui quitte un pays pour s'en venir ici avec ses enfants, puis finalement, il ne peut pas travailler, la personne, non pas parce qu'elle ne le veut pas, non pas parce qu'elle est paresseuse, mais parce qu'elle n'a pas accès au service de garde pour garder ses enfants en bas âge pendant qu'elle travaille. C'est un problème. C'est bien que les gens qui soient à l'extérieur du Québec soient au courant de ça, que c'est ça qui peut les attendre. C'est un problème de société qu'il y a ici, l'accès aux services de garde. Et là, par la suite, ce qu'il faut qu'ils comprennent aussi, c'est l'accès à un médecin de famille. accès à des soins de santé. Les gens à l'extérieur vont dire, ah, ça se peut pas, vous avez des problèmes d'accès à des soins de santé. Oui, avoir accès à un spécialiste comme un dermatologue ou un urologue, ça peut représenter plusieurs mois, voire plusieurs années d'attente dans le réseau public. Donc, il faut que les gens soient conscients de toute cette merde-là qu'on vit ici. Notre système au Québec de santé, système éducatif, en fait, tous les systèmes gouvernementaux, la justice, il y a un temps d'attente élevé. Quelqu'un qui veut aller en cours, d'ailleurs, il y a des causes qui, ça prend des mois, voire des années avant qu'elle puisse être évaluée devant les juges. Les différents systèmes à caractère gouvernementaux ici sont à différents niveaux, sont problématiques. Donc, dans certains cas, il y a des éléments de société qui sont déficients. La société québécoise, parce que il y a des gens qui quittent l'Afrique pour aller vivre en France, puis par la suite, ils quittent la France pour aller vivre au Québec en s'imaginant que ça va être mieux. C'est parce que ça dépend par rapport à quoi? Par rapport à la température, là, je vous dirais pas que c'est nécessairement mieux. Si on a des hivers avec du moins 30, là, c'est nettement plus froid que ce qu'il y a comme température en France ou en Afrique à l'heure actuelle, là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la société québécoise, c'est une société l'une des lacunes majeures, c'est le système de la santé. Les gens ont de la difficulté à avoir accès à un médecin de famille. La situation est décriée dans les médias depuis plus de 20 ans. Problème aussi avec... Des urgences dans les hôpitaux surchargés et avoir accès à des spécialistes dans le domaine de la santé. Naturellement, ça fait plusieurs décennies que c'est critiqué, ces problématiques-là, dans les médias, et naturellement, il n'y a rien qui change. Donc, ce que ça veut dire quoi? C'est qu'implicitement, on se dirige vers un système à deux vitesses. Donc, il y a ceux qui ont accès au privé, les gens qui ont de l'argent, qui peuvent être traités rapidement, et il y a les autres. Il faut qu'attendre après le système. Donc, c'est présentement ce qui se trame, là, c'est-à-dire que, dans le fond, explicitement, on va dire « Ah, ben c'est important, chaque citoyen a accès à la santé, c'est comme un droit fondamental universel, mais en pratique, c'est qu'implicitement, si tu as de l'argent, tu vas avoir accès à quelqu'un rapidement. Moi, j'ai eu un problème l'année passée, j'ai fait affaire avec un urologue, rapidement, j'ai eu un rendez-vous. Au niveau de l'accès au même service public, ben, et ça fait plusieurs mois que j'attends, puis je suis curieux de voir ça va prendre combien de mois ou combien d'années avant que je sois contacté par téléphone par un urologue dans le réseau public. Donc ça fait partie d'une lacune majeure. Une autre lacune, c'est les centres de la petite enfance, dans le sens que il y avait un animateur radio que j'écoutais à la blague qui disait qu'il avait des gens qui avaient été contactés par les centres de la petite enfance une fois que l'enfant était rendu en maternelle puis en avait plus besoin parce qu'il était rendu à 5 ans. Le temps d'attente est très important. Il manque au-dessus de 30 000 places dans le réseau public au Québec. Donc, si la personne n'a pas de gens de confiance de son environnement, comme des membres de la famille, des parents... pour garder son enfant pendant qu'il travaille. La personne peut être dans le pétrin. J'ai déjà discuté avec des femmes issues de l'immigration qu'elles ne travaillaient pas, non pas qu'elles ne le voulaient pas, mais qu'elles n'avaient pas accès au service de garde, puis il n'y avait pas de personne pour confier la garde à leurs enfants à eux, donc de confiance. Fait que c'est un problème important de société. Ensuite, les résidences de personnes âgées, c'est problématique. Il y a des délais importants d'accès à des résidences pour des personnes âgées. Ensuite, la qualité des soins qui manque, dans le sens que moi, j'ai une tante est en CHSLD, donc une résidence de personnes âgées publique. En France, eux autres, ils appellent ça des EHPAD. Nous autres, on appelle ça des CHSLD. Et une tante est bonne, elle est toujours en vie. Ça fait au-dessus de 15 ans qu'elle est en résidence de personnes âgées. Quand elle a envie de déféquer, elle peut appuyer sur une sonnette, mais ça se peut que la préposée aux bénéficiaires ne vienne pas tout de suite. Fait que soit qu'elle cherche à se retenir ou elle fait caca dans une culotte de continence. Puis elle se fait changer quand que la préposée arrive. Naturellement, cette tante-là n'est pas dans le réseau privé, dans le réseau public, qui coûte moins cher, mais le quoi que le privé, c'est pas nécessairement... En tout cas, ça peut être discutable, la qualité des soins aussi dans le privé. J'avais une grande tante, ça coûtait 5 000 $ par mois en résidence de privé. Puis finalement, il y avait des vols sur place qui se produisaient. Puis il y avait des lacunes aussi. Mais elle, la tante auquel je fais allusion, ça fait 15 ans qu'elle est en résidence. Puis la situation s'est pas améliorée au fil des ans, là, naturellement. Donc bref, quelqu'un qui est en résidence de personnes âgées, ben c'est sûr qu'elle, le drame un peu, c'est qu'elle est encore lucide. Elle a toute sa tête. Fait que quand elle chie dessus, pardonnez-moi l'expression, mais c'est une réalité brutale qui est là, ben elle est consciente d'être dans la marde, de patauger dans sa marde au sens littéral, puis il n'y a pas personne qui vient la changer. Ensuite, le délai d'accès, c'est un petit peu le pendant contraire des CPE. On a des difficultés à avoir les ressources gouvernementales pour les enfants. Donc, même chose pour à l'autre bout de la sortie, quand les gens sont plus âgés, dans le sens que, il y a une personne que je connais, ses parents étaient en perte d'autonomie, ils étaient chez eux, puis là, les deux commençaient à faire de la démence, puis elle attendait à avoir une place qui se libère en résidence de personnes âgées. Sauf que si tu laisses deux personnes tout seules qui commencent à faire de la démence chez eux, ben ça peut être dangereux. Dans le sens que, à un moment donné, il y en a un des deux qui se rend pas compte qu'il a allumé le poêle, puis il va pas l'éteindre, puis la maison prend feu, ainsi de suite. Donc, c'est un facteur de risque qui lui crée du stress, mais elle a travaillé. Donc, là, c'est pas pire, parce que, dans le fond, ces deux parents sont décédés, puis ils ont eu accès à une résidence de personnes âgées, mais il y a un délai par rapport à ça de plusieurs mois. Alors que la situation, vu que ces deux parents étaient atteints de démence, normalement, ça aurait dû aller plus vite parce que c'est un facteur de risque pour leur santé. Sinon, ben c'est sûr que dans les résidences de personnes âgées, la nourriture, le personnel étant débordé ou en très grande, en faible quantité, ben on se ramasse avec des histoires d'horreur dans le sens qu'à un moment donné, on peut entendre parler dans un bulletin de nouvelles que quelqu'un est décédé parce qu'il mangeait un cornichon. Il a mal avalé le cornichon puis il n'était pas en morceaux. Moi-même, ma grand-mère était supposée de 99 ans, qui est morte l'année passée, était supposée de manger la nourriture molle, donc et se ramasser. C'est sûr que pendant l'été, bon, il y a des remplacements, les choses vont vite, ils n'ont pas le temps nécessairement de transmettre comme il faut l'information d'un employé à l'autre. Bref, elle se ramassait avec de la nourriture solide, puis si elle n'était pas lucide, puis elle a mangé cette nourriture-là, elle risquait de s'étouffer puis d'en mourir. Il y avait un cas de personnes âgées en résidence, c'était une personne qui était morte parce qu'elle mangeait un morceau de viande qui n'était pas coupé en morceaux. Donc, il y a des négligences bébêtes, là, dans le sens que tu as des gens qui meurent parce que pas parce qu'ils manquent de nourriture, c'est parce que la nourriture n'est pas apprêtée comme il faut, puis comme il manque de personnel, l'information, ils n'ont pas le temps de la transmettre d'une personne à l'autre parce qu'ils sont débordés, ben, ça amène des erreurs qui peuvent être fatales. Donc, sinon, ben c'est sûr que comme il manque de personnel, ce qui arrive, ben je pense que c'est le cas d'une personne que je connais, qui est une personne âgée en résidence. Bon, ben ce qu'elle expliquait, c'est qu'elle préférait que sa personne âgée soit attachée. Pourquoi? Ben pour pas qu'elle se blesse, parce qu'il n'y a pas personne pour la surveiller. Fait que là, à ce moment-là, pour éviter que la personne elle se blesse dans sa chambre parce que la personne n'a plus sa tête, ben ce qu'ils font, c'est qu'ils vont l'attacher. C'est sûr, c'est pas agréable de qu'une personne âgée soit attachée contre son gré, mais s'il n'y a pas personne pour la surveiller 24 heures sur 24, ou sur le taux de la vitesse de réactivité, c'est-à-dire que si quelqu'un appuie sur la sonnette et la personne ne s'en vient pas tout de suite, c'est problématique. Fait que là, on se ramasse avec des situations qui vont pas dans le sens de nos valeurs. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent pas que leurs parents âgés se ramassent dans une résidence à être attachés pour éviter qu'ils tombent ou qu'ils fassent une chute puis qu'ils se brisent des membres ou que ça soit fatal. Mais c'est comme le moindre mal. Donc, je connais une personne que son père était à l'urgence. Et ce que me racontait la personne, c'est que à l'urgence, il est tombé en bas de la civière où ce qu'il était. Il a fait une commotion cérébrale avec une hémorragie. Donc, ça a été problématique. C'est parce qu'il aurait fallu qu'il soit attaché sur la civière. Mais dans le fond, c'est sûr que le contexte n'est pas nécessairement propice à des soins de qualité au Québec en matière de santé. C'est ça qu'il faut comprendre. Fait que c'est sûr que s'il y a des gens qui migrent au Québec, ben, qu'ils sachent à quoi s'en tenir. Donc, parce que présentement, il va y avoir des centres de formation professionnelle, des centres d'éducation, voyant la clientèle baisser à l'interne, c'est-à-dire que la population étudiante, si elle diminue en âge d'étudier, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire pour continuer d'avoir le même nombre d'étudiants, voire l'augmenter, ben, aller faire du recrutement à l'international. Donc, il y a des centres de formation professionnelle qui vont approcher des pays de la francophonie. Ça peut être des pays en Afrique, ça peut être des pays en Europe où les gens parlent français. Pour les attirer à venir au Québec, ils vont leur dire, ben, au Québec, c'est le plein emploi, il y a des pénuries de main-d'œuvre. Donc, c'est facile d'obtenir du travail. La réponse au moment où est faite cette capsule audio, oui. Il y a certains secteurs, prenons par exemple pour travailler comme préposé aux bénéficiaires, travailler comme médecin, des emplois aussi dans le domaine industriel, que oui, il y a des besoins importants. Donc, c'est vrai, sauf qu'ils ne diront pas qu'en même temps, ben, il y a aussi une pénurie de logements. C'est-à-dire que, dans le fond, depuis les dernières années, ben, il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui sont ici, de gens issus de l'immigration. Bien que la population québécoise est vieillissante et il y a une demande croissante par rapport au nombre de logements et le nombre de logements n'augmente pas en proportion, ce qui fait en sorte que ça coûte de plus en plus cher vivre au Québec. Donc, ils peuvent faire miroiter qu'il y a le plein emploi, que les salaires ont augmenté, puis objectivement parlant, on peut s'appuyer sur des chiffres en disant que oui, il y a des entreprises... entre autres, les gens travaillent comme journaliers ou des emplois spécialisés, que ça a augmenté. Mais en contrepartie, si la personne gagne plus, mais ça coûte plus cher pour, dans le fond, l'habitation, que ce soit de vivre en logement, avoir une maison, ben, objectivement parlant, est-ce qu'elle s'enrichit puis à quel point? Elle gagne plus, mais ça coûte plus cher. Donc ça, ça reste à voir. Et dans le fond, le problème de logement amène des situations d'itinérance aussi. Dans les grands centres comme Québec ou Montréal. Donc, pour moi, la société québécoise, c'est une société qui ne répond pas aux besoins de base des individus. Dans le domaine de la justice, il y a des délais importants pour quelqu'un qui veut passer en cour. Ensuite, si on prend la CNSST qui vise à couvrir les gens qui ont des accidents de travail, ben, dans le fond, c'est souvent des situations problématiques parce que les gens qui ont des accidents de travail ou autres, c'est possible que ça soit pas reconnu ou reconnu après avoir passé en cours après plusieurs mois d'attente ou les dommages sont sous-estimés. Donc, le Doc Mayo en avait déjà parlé. Pourquoi? Ben, c'est sûr que la CNSST, dans le fond, le but, en théorie, c'est de protéger les travailleurs. C'est sûr que c'est en théorie d'empêcher qu'il y ait des fraudes par rapport à des travailleurs qui fassent semblant qu'il y ait des problèmes de dos ou des problèmes difficilement démontrables pour obtenir le plus d'argent possible sur le dos des contribuables qui cotisent à la CNSST. Donc, pour empêcher les fraudes, vont être sévères, mais en même temps, il faut faire attention parce qu'ils sont trop sévères. Ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que des gens qui ont véritablement des problèmes de santé physique ou psychologique, que le problème ne sont pas reconnus. Puis là, ils se font mettre de la pression pour travailler dans un délai suite à ça. Puis là, ça crée de la frustration. Sinon, la frustration peut être vécue aussi. Donc, s'il y a des gens qui m'écoutent à l'étranger par rapport au fait que leurs diplômes ne sont pas nécessairement reconnus ici. Donc, ici, ils sont reconnus par des institutions scolaires. C'est pas nécessairement à 100%. Donc, bref... Le Québec, la façon que je le vois, je le regarde d'une perspective très critique. Et pour moi, présentement, j'ai une fille qui est âgée d'un an, quelques mois. Et au moment où je vous parle, peut-être ma décision changera avec le temps, mais j'ai pas l'intention d'avoir un autre enfant. La qualité de vie ici, laisse à désirer pour moi, mais c'est sûr que y a peut-être des gens qui vont me trouver exigeant, mais... Ce que je trouve, c'est que la société québécoise ne répond pas aux besoins de base en termes d'éducation. Le problème en classe, des classes surchargées, la difficulté à avoir accès à des ressources pour des gens qui ont des problèmes avec leurs enfants, à avec des diagnostics médicaux, ainsi de suite, ou le problème accès au domaine de la santé, pour moi, qui est encore pire, là, tu sais, je veux dire, il me semble que ça serait quand même un minimum que chaque citoyen ait accès à un médecin de famille ou des soins de santé décents. M'amène à être... je suis déçu de la société québécoise. Je vis ici, puis j'ai 43 ans, puis je trouve que l'argent est mal géré. Que ce soit autant du gouvernement provincial ou fédéral, là. Je vois pas vraiment d'amélioration au court ou moyen terme par rapport à la situation du Québec. Avec le temps, j'en suis venu à la conclusion que ce qui est important, c'est l'épargne. Avoir de l'argent. Pourquoi? Ben pour pallier aux lacunes du système, dans le sens que moi, j'ai eu un problème de santé, puis il a fallu que je retire de l'argent de ma poche pour pouvoir, dans le fond, me faire opérer au privé par un problème au niveau urologie. Puis ça m'a, dans le fond, la situation m'a conforté dans une forme de scepticisme par rapport à tout le réseau public. Dans le fond, je trouve que le Québec ou le Canada font fausse route en voulant se présenter à l'international comme étant un pays riche où il fait bon vivre. Puis là, on peut présenter des indicateurs en disant que le niveau de vie est élevé par rapport aux revenus par capita, ainsi de suite. Oui, on peut... En fait, les chiffres sont des outils qui sont récupérés à des fins idéologiques ou de propagande. Prenons par exemple Justin Trudeau. Justin Trudeau... qui est le premier ministre du Canada, fait partie du Parti libéral, et lui, l'un de ses agendas politiques, c'est de faire la promotion du multiculturalisme. Il s'intéresse naturellement à attirer un maximum de gens à l'international, donc depuis un peu plus de 2 ans, il fait venir ici, il encourage les demandeurs d'asile venir ici, sauf que le point, c'est qu'une fois qu'ils sont ici, ben traiter leur dossier, c'est long. Je sais pas si les gens le réalisent, mais ça peut prendre entre 2 ans puis 2 ans et demi pour que le dossier d'un demandeur d'asile soit traité. Puis pendant ce temps-là, ben, ces gens-là vivent au crochet du système. Faut bien que ces gens-là mangent. Faut bien qu'ils soient logés. Faut bien qu'ils aient accès à des ressources de santé. Et par la suite, qu'est-ce qui arrive? Ben, soit que la demande d'asile est acceptée ou refusée, mais pendant toute cette période-là, comme ces gens-là ne sont pas considérés comme étant citoyens, qui n'ont pas des autorisations de travailler, ben ils ne peuvent pas travailler. Donc, ils sont entretenus. Donc, est-ce que c'est souhaitable pour la société canadienne qu'une situation pareille? En fait, ce qui est souhaitable pour le gouvernement libéral pour qu'il soit réélu, c'est qu'il y ait un maximum de personnes issues de l'immigration au Canada parce que habituellement ils vont voter pour le gouvernement fédéral. Ils voteront pas pour l'indépendance du Québec ou le Bloc québécois. Non, ces gens-là s'en viennent pour vivre au Canada. Ils viennent pas pour quitter le Canada en favorisant l'indépendance du Québec. Faut comprendre ça. Puis, il y a un agenda aussi mondialiste. Puis ça, c'est à l'international. C'est le même agenda là qu'ils ont aux États-Unis avec Joe Biden, là. Joe Biden, un peu comme Justin Trudeau, qui a invité massivement les migrants, les demandeurs d'asile à venir aux États-Unis. Bon, ben, ils ont des problèmes dans le coin du Texas parce qu'il y a beaucoup de demandeurs d'asile d'une manière illégale qui franchissent la frontière américaine et ainsi de suite. D'une manière non régulière, pour employer des beaux termes politiquement corrects. Donc, autrefois, on parlait d'illégalité, puis on dit « Ah, c'est une manière irrégulière de franchir la frontière ». Bon, on peut en discuter sur le plan idéologique, mais le point, c'est que l'agenda mondialiste qui s'opère, que ce soit au Canada, aux États-Unis, puis dans d'autres pays, la visée, c'est affaiblir l'identité nationale, la morceler, et que, à quelque part, des gens d'un peu partout soient présents dans tous les pays. Donc, c'est l'agenda mondialiste qui s'opère, qui amène des changements, dans le sens que l'identité, par exemple, du Québécois qui est à la base catholique, avec la peau blanche et francophone, est en train de changer. Ça se fait sous nos yeux, puis ça se fait rapidement. Donc, ça sert à un agenda multiculturel, mondialiste. c'est que les gens soient conscients de qu'est-ce qui se passe. Là, quand que je parle de même, il y a des gens qui vont penser que je suis opposé à l'immigration. Pas nécessairement. Dans le sens que, moi, ce que je dis, c'est que charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, vouloir accueillir des gens ici, c'est sûr que le territoire du Québec, du Canada est très vaste, c'est très peu peuplé à comparer à d'autres territoires dans le monde. Ça, c'est vrai. Par contre, charité bien ordonnée commence par soi-même. Ça, c'est l'adage que j'ai fait mien, dans le sens que si on n'est pas capable de donner des services décents en matière de santé, d'éducation, ensuite des services décents aussi sur le plan juridique à la population en général, puis il y a des problèmes d'itinérance, il y a des problèmes de pauvreté, ben commençons, à mon avis, par régler ces problèmes-là avant de dire à tout le monde, venez au Canada, c'est une terre d'accueil, et on est ouvert ici d'esprit, et que les demandeurs d'asile soient bienvenus. Là. À un moment donné, il y a des limites à tout. Là. C'est-à-dire qu'une capacité d'accueil et d'intégration qui est présente au Québec, et elle a ses limites aussi. Parce que s'il y a trop de monde qui se présente ici, puis il n'y a pas plus de logements qui sont construits, ben on va se ramasser avec des problèmes de pénurie de logements. Et s'il n'y a pas plus d'écoles ou de ressources en matière d'éducation, on va se ramasser avec des classes surchargées. D'ailleurs, des classes qui ont des problèmes au niveau de la francisation parce que les gens sont trop nombreux. Donc, soit qu'on accorde plus de ressources ou qu'on intègre moins de personnes. Donc, il y a des décisions à prendre. Mais le point que je veux faire, c'est que je suis de l'avis que commençons à être en santé ici, avoir accès à des ressources de santé, avoir à des ressources d'une manière éducationnelle décente pour la population. Puis si on a un surplus parce qu'on gère bien, on est efficace, on règle les problèmes de déficit, les problèmes d'endettement économique, là, à ce moment-là, l'ouverture à l'international, vouloir sauver la veuve et l'orphelin un peu partout, à mon avis, c'est quelque chose qui peut se faire, mais on fonctionne un peu à l'envers, au tout de travers. On dit à des gens massivement de venir ici en leur faisant miroiter le rêve que le Canada, le Québec est une terre de liberté où ce qu'ils vont être heureux. Puis après ça, moi, je discute avec des gens issus de l'immigration qui ont eu des déceptions. Comme par exemple, j'avais discuté avec quelqu'un qui avait fait un cours où ce qui était ingénieur dans un autre pays, il se fait pas reconnaître ici, contrariété. Ensuite, j'ai discuté avec une autre personne, avait étudié en Afrique pour être enseignante, a fait des démarches auprès d'universités ici au Québec, puis la personne responsable de l'université lui a dit « Dans les meilleurs cas, on va te reconnaître la moitié de ta formation, puis ça, c'est, on est bien fin avec toi, là. » Fait qu'il y a un problème de reconnaissance d'études faites à l'étranger, dans l'optique de compléter des études ici au Québec. Ensuite, la personne qui arrive ici, puis elle n'a pas accès au service de garde, puis on lui fait miroiter le plein emploi, mais elle ne peut pas travailler puis réaliser son rêve de venir ici en travaillant parce qu'elle n'a pas accès à la ressource par rapport à un de ses enfants en bas âge. Donc, tous ces éléments-là, où la personne qui arrive d'immigration puis a le problème de se trouver un logement ici, où elle dépense l'essentiel de ses revenus pour son logement, et puis la nourriture qui a augmenté au fil du temps, bien, ça fait voir les limites du rêve québécois qu'on fait miroiter un peu partout. Donc, pour moi, la civilisation occidentale, ou ben, je vais être plus spécifique par rapport au Québec, au Canada, moi, je suis tanné de l'attitude spirituelle qu'ont les gens ici, de comment dire, une forme d'orgueil en disant « Ah, ici, on fait bien vivre, on a ci, on a ça. » Oui, mais il y a un paquet de lacunes, il y a plein de failles, il faudrait les régler à quelque part à un moment donné. Là. C'est vraiment tannant. Je pense pas qu'il y ait une volonté politique réelle de régler les problèmes de société. Fait que si les gens, quand ils vivent ici, sont confrontés à s'arranger par eux-mêmes avec des lacunes de civilisation importantes, prenons par exemple l'accès à des soins de santé décents. À un moment donné, j'avais déjà discuté avec une personne issue de l'immigration avec un enfant à bas âge. Elle me racontait qu'elle avait été pris à attendre au-dessus d'une dizaine d'heures à une urgence ici au Québec. Tu sais, ça n'a pas d'allure. Puis là, c'est quand que les gens sont confrontés au fait qu'ils se rendent compte que finalement, on n'est pas nécessairement si riche, on n'est pas si bien que ça ici au Québec. Puis on est gardé captif ici au Québec, dans le sens que Comme moi, par exemple, vu que je maîtrise pas assez la langue anglaise, à l'école, quand j'étais jeune, on ne m'a pas enseigné comme il faut, ben, je suis captif du Québec, dans le sens que si tu allais à l'étranger, souvent la langue, un peu comme une clé passe-partout, c'est l'anglais. Donc, quelqu'un qui veut aller aux États-Unis, en Angleterre, etc., ça prend l'anglais qui soit suffisamment développé pour être capable de fonctionner en société. Donc, au Québec, on n'a pas mis... pour empêcher les gens de quitter Québec, des barbelés avec des murs et des tours, des miradors avec des gens avec des mitraillettes pour les empêcher de sortir. C'est plus subtil que ça. C'est-à-dire qu'on a mal enseigné l'anglais aux jeunes, ce qui fait qu'on est captif par la suite, dans le sens que moi, en tant que personne qui parle français, je pourrais aller dans des pays comme le Cameroun, je pourrais aller en France, en Belgique, voyons donc. Je pense pas nécessairement à améliorer mon sort en allant dans ces pays. Et sinon, ben, dans le fond, je suis comme captif du Québec parce que je maîtrise pas l'anglais. On ne l'a pas appris comme il faut. Ensuite, rendu à l'âge adulte, ça devient plus difficile à intégrer. Donc, ça, c'est une situation problématique, c'est une faille de notre société pour garder les gens captifs. Ici, on est très taxé en passant. Donc, sur le, par exemple, à chaque fois qu'on fait des achats au magasin, habituellement, il y a 15% de taxes. Et les gens, en ce qui concerne l'impôt, tout dépendant de la braquette salariale qu'ils ont, il y en a qui peuvent payer 16, 22, voire 50% de leurs revenus en impôt. Par la suite, les gens, quand ils vont faire des achats, bon, ils payent au moins 15%. Ensuite, quand la personne va faire le plein d'essence, il y a des taxes sur des taxes. Donc, puis il y a plusieurs niveaux de taxes sur l'essence qui augmentent la facture. Là, c'est nettement plus élevé ici qu'aux États-Unis là, à cause de ce système de taxation. Donc, il y a un prix par rapport à l'essence, il y a une taxe. Ensuite, il y a une autre taxe, puis une autre taxe sur la taxe. Donc, il y a un cumul des taxes qui fait que plus qu'on augmente de taxes, plus que ça coûte cher parce qu'on taxe sur les autres taxes du revenu, du montant de base. Donc, c'est un système de taxation qui est fait ici, qui est très vorace. Sinon, je suis âgé de 43 ans. Est-ce que je suis habitué aux conditions climatiques du Québec avec du moins 30? La réponse, c'est non. Je n'aime toujours pas l'hiver. Je trouve ça désagréable. C'est ma situation de vie. C'est sûr qu'il y a des belles choses au Québec, dans le sens... il y a l'émergence d'une conscience nouvelle par rapport à certains individus. Donc, la valeur égalité homme-femme qui est un petit peu plus présente ici que dans d'autres pays. Si on pense entre autres à l'Iran, où lors de l'automne 2022, il y avait une jeune fille âgée de 22 ans qui n'avait pas porté comme faux son voile. On voyait un petit peu les cheveux dépassés. Résultat, elle s'est faite battre à mort. Ou en Iran, si quelqu'un, par exemple, est reconnu comme étant homosexuel, il peut être condamné à mort. On est très loin de ça ici au Québec, là, dans le sens qu'il y a une ouverture d'esprit par rapport aux femmes, à l'homosexualité. Mais il y a encore des lacunes et des problèmes sociaux, là. Il y a beaucoup de chemin à faire pour que le Québec devienne une civilisation viable, à mon avis. Mais c'est être lucide par rapport à ça. Donc, c'est d'être conscient de ce qui se passe ici. Le Québec, le Canada, on est encore sous l'emprise d'influence américaine. Le marché ici, au niveau économique, un adage qui dit que lorsque les États-Unis toussent, le Canada a la grippe, donc dans le sens que tout est interrelié, mais plus spécifiquement, la superpuissance américaine, s'ils sont en récession ou pas, ça a beaucoup d'influence par rapport à l'importation, l'exportation ici en termes de prix, aussi par rapport à l'employabilité. On est encore très dépendant de la vie économique aux États-Unis. On est peut-être moins influencé par la vie économique là, en Europe, sinon en Chine ou en Russie, mais beaucoup influencé par les Américains. Puis sinon, pour ce qui est du rêve américain, du continent de l'Amérique, ou le rêve de vivre aux États-Unis, en réalité, c'est de la poudre aux yeux. Je veux dire, les États-Unis, c'est une minorité de personnes qui sont très riches, puis une majorité qui sont très pauvres, là. Puis l'idée que la personne peut arriver aux États-Unis, puis faire elle-même une fortune, puis devenir millionnaire, ça ne s'actualise pas dans la plupart des cas, là. Donc, c'est ça fait partie du mythe, du rêve américain, là. Bref, le but de l'enregistrement, c'était pour vous partager certaines réalités, puis je suis tanné des fois. En fait, ce que je veux dire aux gens aussi, c'est que pour avoir discuté au fil des ans avec des gens issus de l'immigration, puis il y a des gens qui veulent immigrer au Québec qui m'écoutent, le propos que je veux leur tenir est celui-ci. Méfiez-vous du gouvernement du Québec, du Canada, parce qu'eux autres, pour des raisons de créer de l'attraction à l'international, peuvent vous faire miroiter des belles choses par rapport à ici. Informez-vous comme il faut, parce que de la propagande gouvernementale. Puis il y a beaucoup de gens qui, une fois qu'ils sont arrivés au Québec, ben ils se rendent compte, ils prennent conscience des lacunes de la société québécoise, mais à la dure. Dans le sens que quelqu'un arrive ici, il pense qu'il va avoir accès à un médecin, mais c'est pas nécessairement facilement un médecin de famille, alors que c'est pas nécessairement le cas, puis il peut attendre pendant plusieurs mois ou plusieurs années, ben il peut être contrarié par rapport à ça ou être confronté au fait qu'il pensait qu'il y avait un bon service public, puis il réalise qu'il faut qu'il paye de sa poche pour avoir accès à un spécialiste, ça peut créer de la déception. Mais ça, probablement que les autorités canadiennes ou le ministère de l'Immigration, quand ils font des campagnes de promotion dans d'autres pays pour du recrutement, ils parleront peut-être pas de ça, ils mettront peut-être pas l'emphase là-dessus. En fait, ce qui m'écœure de la société en général, c'est que on est tout le temps dans des situations de propagande. Prenons par exemple un centre de formation, va chercher à attirer des élèves à l'international ou même au Québec en disant, ben, si vous étudiez dans tel secteur d'activité, il va avoir 100% de placement. Sauf que ce que le centre de formation dira pas aux gens, c'est que oui, il y a 100% de placement sur une étude de relance, par exemple, 6 mois après que la personne ait étudié, mais ça ne veut pas dire qu'elle est placée dans son domaine d'études. Donc, si, par exemple, quelqu'un fait un cours pour être graphiste ici au Québec, disons une attestation d'études collégiales, ça ne veut pas dire que 6 mois après le cours, qu'elle va nécessairement travailler dans son domaine d'études comme graphiste. Pourquoi? Ben, parce que si 6 mois après, il y a une relance, puis on dit qu'il y a 100% des gens qui sont en emploi, ça se peut que la personne travaille comme serveuse dans un restaurant ou commis d'épicerie ou journaliste dans une entreprise de production industrielle, mais comme étant en emploi, on peut dire qu'elle est placée. Sauf que dans l'esprit des gens, c'est se font dire que s'ils étudient dans un domaine d'activité, puis après ça, ils vont être placés à 100%, ça crée une situation de sécurité en disant, ben là, si j'étudie là-dedans, je suis pas mal sûr qu'un emploi qui m'attend par la suite, il y a 100% de placement. Or, les statistiques, dans le fond, peuvent être présentées. Ceux qui prennent la statistique disant, ben, on est honnête, on a fait des vérifications, telle personne, oui, 6 mois après, est en emploi, sauf qu'au lieu de rien faire, si elle n'est pas capable de travailler comme graphiste, elle va travailler comme journalière, elle va travailler comme commis d'épicerie ou elle va faire un emploi qui ne demande pas de qualification ou qui n'a aucun rapport avec son domaine d'études, mais si techniquement elle est en emploi, ben elle est en emploi. Donc, on déclare ça dans nos statistiques, ce qui permet de vendre la formation à un paquet de personnes, puis permettre aux gens qui donnent la formation d'avoir des entrées d'argent. Dans le fond, ce qui mène le monde, ce qui nous amène dans des systèmes tordus, c'est toujours la question de l'appât du gain. Prenons par exemple un enseignant qui se fait dire, ben, si tu réussis pas à attirer plus d'étudiants par rapport à ton cours, ben, on va réduire ton nombre d'heures de travail ou tu vas aller sur le chômage, tu vas perdre ton travail. Donc, l'étudiant, pas l'étudiant, mais l'enseignant, suite à ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, il va essayer de recruter le maximum d'étudiants possible pour justifier son poste. Même chose s'il va à l'étranger dans des missions pour faire découvrir le Québec ou le Canada et de ses bienfaits. Pourquoi? Ben, il a son instinct de survie, il veut conserver son poste. Parce que s'il dépend de son poste pour pouvoir payer sa maison, puis le taux d'intérêt augmente, puis ça coûte plus cher à chaque mois, ben, il y a une pression à travailler, il y a une pression à présenter les informations d'une manière favorable à ce qu'il y ait plus d'étudiants possible. C'est-à-dire que à quelque part, le contexte fait qu'il devient complice de cette propagande qui sert à faire miroiter le rêve d'étudier au Québec, au Canada, que les gens vont 100% de placement pour ces choses-là, pour des raisons de conserver son travail, et ainsi de suite. Sinon, ben, quelqu'un, on peut dire que il y a des statistiques qui vont dire, oui, la plupart des gens qui étudient dans un domaine vont obtenir un emploi dans leur domaine d'études, mais il faut faire des nuances. Quelqu'un qui étudie, par exemple, pour être journaliste, après avoir fait le cours, la personne fait des articles sur Internet, puis la personne ne fait pas ça à temps plein, oui, elle est placée dans son domaine d'études parce qu'elle fait des articles, comme pigiste, mais objectivement parlant, est-ce qu'elle fait ça à temps plein? Non. Là, quand on dit que les gens sont placés, les gens ont en tête que c'est automatiquement à temps plein, avec des postes permanents, mais c'est pas nécessairement le cas. La personne qui, d'une semaine à l'autre, son salaire varie en fonction du nombre d'articles qu'elle produit, puis c'est à temps partiel, puis ça ne lui permet pas de vivre décemment, bien, techniquement, ça est placé, on va dire oui. Dans l'étude de relance, il y a tel nombre de personnes qui ont étudié en journalisme, par la suite, ils font un emploi en lien avec leur domaine d'études. Donc, ils sont placés en faisant quelque chose en lien avec de quoi qu'ils ont étudié, oui. Mais est-ce que ça leur permet de vivre décemment? Non. Ça, l'étude ne le dira pas. Fait qu'il y a beaucoup de choses dans l'omission de certaines informations qui fait en sorte qu'on présente des cours sous un jour favorable. Même chose pour la société québécoise avec toute notre propagande gouvernementale, notre Justin Trudeau international qui va vendre le Québec un peu partout puis faire miroiter à des gens qui cherchent un refuge parce qu'ils fuient la guerre dans leur pays, qui vont être heureux ici au Canada. Fait que ces gens-là fassent attention, ça serait préférable qu'ils se renseignent comme faux sur le Canada. Certes, dans le fond, avoir discuté accès d'un médecin de famille, c'est peut-être un moindre mal à comparer quelqu'un qui est dans un pays où ce qui se fait continuellement bombarder par des bombes ou ce que sa sécurité immédiate est en danger. Mais c'est quand même important que la personne le sache, que ça ne sera pas évident, puis ça va être l'ordre du parcours du combattant pour avoir accès à un médecin de famille. Je pense que ça serait la moindre des choses, qu'elle sache un peu à quoi s'en tenir. Et qu'est-ce qui m'a plus contrarié au fil de ma vie depuis ma jeunesse? Bien, c'est de voir qu'on est tout le temps dans des situations de mensonges, de désinformation à différents niveaux, de tricage de l'information à des fins de propagande. Mais c'est de voir clair par rapport à tout ça. Le Canada vend sa salade, les États-Unis avec l'American Dream, les différents pays vendent chacun leurs choses en se faisant croire aux autres qui sont les meilleurs. Puis si un pays ne le fait pas, ben c'est comme si le pays se désavantage. Fait que comme tout le monde est dans une surenchère par rapport à la qualité de vie de leur pays, ainsi de suite, que c'est le meilleur système de santé au monde, parce qu'on cherche à faire croire que, le Québec ou le Canada, il y a la gratuité du système de santé, on est meilleur que les Américains par rapport à ça. Oui, aux États-Unis, la personne paye de sa poche pour avoir accès, par exemple, à une opération ou autre. Puis oui, ça peut être ruineux. Prenons par exemple quelqu'un qui a une opération à cœur ouvert, puis ça coûte au-dessus de 100 000 $. Ben, peut-être que la personne va perdre sa maison ou ça va être très problématique au niveau financier pendant plusieurs années. Ça, c'est clair. Mais le point, c'est que la qualité des soins au privé, aux États-Unis, est sans doute meilleure que celle du Canada. Pourquoi? Parce que utilisateur-payeur. Donc, si quelqu'un n'est pas content au Canada puis il n'a pas l'argent de se payer des soins privés, ben, il est pris avec les soins publics. C'est un petit peu comme quelqu'un qui va téléphoner une secrétaire d'un médecin ou à l'hôpital, puis la secrétaire ou le personnel est bête comme ses deux pieds et désagréable, ben la personne se fait dire, ben si t'es pas content, va-t'en au privé, puis ça te coûte une fortune. Fait que là, les personnes sont comme captives d'un réseau public. Il y a des gens dans le domaine public qui sont pas fins ou qui donnent le minimum, puis sont frustrés, etc. Au privé, si c'est un mauvais service à clientèle, l'expérience cliente est pas bonne, t'en reviens pas. Ça, c'est la mentalité américaine. Mentalité américaine, inquiétez-vous pas que si la personne va dans un hôpital américain luxueux, il n'y aura pas de temps d'attente là, de 14 heures en ligne. Là. Pourquoi? Parce que tu perds le client. C'est pas très compliqué. Donc, quelqu'un qui paye aux États-Unis pour un service de qualité, c'est pas pareil que le Canada. Ça, c'est clair. Par contre, ce qu'il faut réaliser, c'est les failles du système. Donc, c'est sûr que si un jour je deviens millionnaire, puis j'espère de ne pas avoir de problème de santé majeur, puis on me pose la question, où est-ce que tu voudrais être soigné? Est-ce que ça serait au Canada? Est-ce que ça serait en France, en Belgique? Première réponse que j'aurais, ça serait d'être soigné aux États-Unis. Pourquoi? Ben, l'élite est là, au niveau médical, la recherche, les traitements les plus spécialisés, parce que le même traitement qui se développe aux États-Unis, on va peut-être l'avoir dans plusieurs années au Canada. C'est pas là qu'ils sont à fine pointe du développement médical. Ici, on est la remorque de d'autres endroits. Oui, il y a de la recherche au niveau médical au Canada, mais c'est, comment dire, il y a un problème d'accessibilité aux ressources, aux différentes choses. Ça, c'est clair. Donc, ça fait partie des lacunes. Mais c'est d'en être conscient. Puis être capable de pallier aux lacunes, si on est capable. C'est sûr qu'idéalement, ben, c'est être capable de prendre sa santé en main. L'une des raisons pour laquelle j'ai fait un paquet d'enregistrements au fil du temps, dans le passé, où ce que je parle, l'importance de la santé, c'est parce que ici le système de santé est déficient. Je l'ai réalisé il y a plusieurs années. À un moment donné, j'avais été malade et j'avais un virus, je ne savais pas c'était quoi. Puis je m'étais ramassé à passer la nuit à l'urgence, couché sur une civière. Donc, ça remonte à un peu plus de 10 ans. Et suite à cet incident, j'ai dit, ouais, il faut que je prenne ma santé en main. Puis l'histoire, parce que j'étais à l'urgence, naturellement, l'urgence débordait, puis je me suis ramassé littéralement dans une civière dans le corridor. Je trouvais ça désagréable comme situation. Et ça m'a fait voir l'importance de prendre ma santé en main. Pourquoi? Ben, d'autant plus qu'avec le vieillissement de la population au Canada, ben, à partir de 2030, il va y avoir à peu près une personne sur trois âgée de 65 ans et plus. Je dis le Canada, en réalité, c'est le Québec, ce qui fait en sorte que comme les gens vieillissent, ils vont avoir une pression plus grande sur le réseau de la santé. Et souvent, quand les gens vieillissent, sont de plus en plus malades. Donc, ils ont plus besoin des ressources de santé. Or, présentement, au moment où on fait cette capsule vidéo en 2024, il y a beaucoup de pression sur le système de santé déjà. Ce qui fait que ça va être encore plus compliqué, j'ai l'impression, dans les prochaines années pour avoir accès aux ressources de base. C'est un maudit problème. Mais c'est ça, la société québécoise. Donc, tout ça pour dire quoi? Ben, c'est d'être capable de réaliser les lacunes de la société dans laquelle on se trouve, d'être capable de les étudier, puis évaluer ce qui peut être fait pour y faire face, tout simplement. Donc, merci de votre écoute. À bientôt. Au revoir.